J'ai montré dans ma biographie du clown chocolat qu'en réalité, cette nouvelle danse a d'abord été présentée au public parisien dans une salle de spectacle qu'on appelait le Nouveau Cirque, située au 251 rue Saint-Honoré à Paris. Comme son habitude, Hippolyte Houck, le directeur de cet établissement prestigieux qui mélangeait le cirque et le music-hall, avait mis à profit les mois d'été pour repérer les numéros qui faisaient fureur à Londres et à New York. Il découvrit à ce moment-là l'engouement du public pour le ragtime, une musique inspirée des rythmes africains associée à une danse appelée le cakewalk, la danse du gâteau. Le premier spectacle d'envergure qui présenta le cakewalk au public parisien eut lieu au Nouveau Cirque le 24 octobre 1902 dans une pantomime intitulée « Joyeux Nègre » dont l'action était censée se dérouler à Harlem. Comme c'était le cas depuis une dizaine d'années déjà, Footit et Chocolat, les célèbres clowns du Nouveau Cirque, furent les vedettes du spectacle. Les articles de presse que j'ai consultés à ce sujet racontent que, dans la première partie, les deux clowns, déguisés en nègres américains, comme disaient les journalistes à l'époque, commençaient un match de billard qui se terminait en pugilat, le tout agrémenté par des numéros d'acrobates et dressage d'animaux. Toute la deuxième partie était consacrée au cakewalk, la fameuse danse. Et comme toujours, le spectacle se terminait par une grande fête nautique, car le Nouveau Cirque avait comme particularité que la piste se transformait en piscine à la fin des représentations. Le spectacle bénéficia d'une campagne exceptionnelle de promotion. Le Figaro, qui était le quotidien le plus influent dans le monde culturel de l'époque, l'annonça en première page, avant de décrire longuement cette pantomime en pages 5 et 6. Alors qu'au départ, la campagne publicitaire était centrée sur Footit et Chocolat, présentés comme deux artistes hors ligne dans leur genre, dans les jours suivants, c'est le cakewalk qui défraya la chronique mondaine. Toute la bourgeoisie, en mal de sensations nouvelles, se précipita dans les salles de danse pour apprendre cette gestuelle venue d'outre-Atlantique. Dans un article intitulé « Horresco Reference », paru dans le Figaro du 15 novembre 1902, le journaliste Gabriel Astruc trouva un excellent moyen d'amplifier le buzz en lançant une polémique sur le sujet. « Tel un flot célèbre, ma plume recule, épouvantée, et se refuse à transcrire la nouvelle. Oui, madame, cet hiver, dans les salons les plus huppés, nos sœurs, nos filles et nos épouses vont danser la bamboula. Les compatriotes de Chocolat se rassemblent, paraît-il, autour d'une brioche monstre et se livrent à 1000 fantaisies chorégraphiques. » Les conservateurs se mobilisèrent alors contre ce qu'ils appelaient une épileptique bamboula et dénoncèrent un nouvel attentat de la mode contre la beauté. Merci beaucoup Gérard Noiriel pour ce pourquoi du comment. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Delecroix et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.